C'est des rigolos de kermesse. Les mecs, ils en ont rien à foutre de leurs citoyens. Tout ça fait qu'en ce moment, il y a une espèce de mal-être ambiant. Moi, je rêve, oui, que ce saboté. Ça, c'est... J'en rêve. Ça grésille dans le poteau. Histoire de la lutte contre la THT Cotentin Maine. Un objet radiophonique en 5 épisodes, réalisé à partir d'entretiens enregistrés de 2013 à 2016. L'arrivée des Verts et des socialistes au pouvoir, ça correspond à ça aussi. Merci les Verts. Et les aberrations de notre État, du système capitaliste. Ah, les pelles à Vinci, les pelles à Eiffage et les pelles à Bouygues, c'est fait beaucoup de la merde, quoi. Mais on les aura, vous n'avez pas vous inquiéter, on les aura. On les aura d'une manière ou d'une autre. Partie 2 de l'épisode 3. Peu importe les moyens de s'opposer, pourvu que les fils soient tous coupés. Il faut bien distinguer quand même ces deux aspects de la lutte, quoi, qui a mené un peu les actions sur deux fronts, quoi, un affront public qui est dans l'idée aussi que les médias sont en mesure de la relayer et du coup de montrer qu'elle existe, en fait, de la laisser vivre autrement que dans une forme de clandestinité toujours difficile à relayer dans les campagnes, quoi, en fait. Du coup, c'était aussi, enfin, je pense que c'était entendu dès le début à l'Assemblée Générale que l'acceptation de ces deux modes d'action, quoi. Et c'est vrai que, en tout cas, sur le... Si on part sur les modes d'action clandestines, c'est vrai que eux ont encore moins fait l'objet d'une répression avec des résultats, en fait, puisque, à ma connaissance, aucun des actes faits de nuit n'a eu de suite judiciaire. Et c'est vrai que ça, c'est... Enfin, bon, voilà, il y a une certaine forme d'intelligence, quand même, collective, pour réussir à ne pas tout miser sur les actions publiques où... On voyait bien, enfin, on a bien vu au fur et à mesure que de moins en moins de choses étaient possibles, quoi. Il y avait des réactions vraiment très différentes au sein de la population quand les gens entendaient parler d'actions de sabotage et des dégâts, etc. Il y avait des gens pour qui le fait d'apprendre qu'il y avait des pelles qui avaient été cramées et qu'il y avait 600 000 euros de dégâts pour une petite entreprise de sous-traitance qui avait été ciblée, ça posait un peu souci à des gens, quoi. Et en dehors de ça, il y a des gens qui disaient, bah, en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de lutter contre ça, contre la construction de cette ligne. Il y a eu des manifestations, il y a eu des recours en justice, il y a eu plein de choses qui ont été tentées. Et quand il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre, bah, aller jusqu'à des actions plus virulentes, il y avait des gens qui n'étaient pas opposés à ce genre de manifestations. Dans les travaux, tout ça, il y en a qui avaient des boulonnais. Qui dit des boulonnais, qui fait, qui rentre et tout. Sur le pilon ? Oui. On nous a dit ça, nous autres. Mm. Il y avait des boulons partout, il avait coupé des... Il n'avait pas coupé des choses au poteau. Qu'est-ce qu'a fait ça, je ne sais pas. J'en ai jamais vu. Certainement des gens qui, ah oui, des gens, qui voulaient vous soutenir, oui. Pour empêcher. Mais... Pour empêcher, ouais. Mais si, ah, c'est bon. Il y a eu quand même beaucoup de trucs. Hein. Mm. Et que ça peut être diffusé, bien sûr, mais il y a quand même eu un... Ouais, quand tu as un pilon par terre, Marino... Ouais, c'est vrai que ça se voit, quoi. Mais tu sais, des petits trucs faits individuellement... Il y en a eu dans le quartier. Hein. Il y en a eu des pelles qu'on n'a pas démarré, des bus déserts qu'on n'a pas démarré, des machins qu'on cramait, des boulots partis, du matériel de bélier. Mais non, mais RTE ne communiquait pas dessus. Ah, ils ont été discrets sur ces trucs-là. Oui. Ils n'en ont pas fait la publicité, c'est sûr. De toute façon, leur grosse crainte à RTE, le seul moyen d'intervenir, c'est les pylônes. Ouais. La grosse panique d'RTE, c'est que les entités HT et les entités nucléaires se mettent à taper sur le... C'est impossible à surveiller, en fait. Ils pourront pas. Bah non. Ils pourront pas. Il y en a combien? Combien ils disaient qu'il y en avait de pylônes tous les 400 mètres sont... Je sais plus. Bon, je sais pas, il y a 300 ou 400 pylônes. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est 300 ou 400 pylônes. Vas-y, camarade, surveille. De toute façon, il y a les anciennes. Hein. T'en manques pas, hein, ce type de choses, si tu veux. Si tu peux pas savoir si c'est une nouvelle ou une ancienne. Hein. De toute façon, toute nouvelle devient ancienne à un moment donné. Hein, le village du Chefren devenait un bastion de la résistance alors que les actes de sabotage ralentissent considérablement le chantier. La préfecture a alors décidé de briser les reins de la révolte en s'attaquant, lors d'un blocage au démarrage des travaux le 6 juin 2012 au Chefren, à l'emblème de l'opposition, le maire du village, et par là même faire voler en éclats les croyances démocratiques, telles l'arrêté municipal, considéré alors comme inviolable. On s'est vu, vous étiez là quand Claude Bessard, dans son prénom. Jean-Claude Bessard a été coffré, ils l'ont emmené à la préfecture. Oui, j'étais arrêté en même temps. Ah oui, donc, 6 juin. Ça a été le moment où ils ont arrêté de nous laisser faire ce qu'on voulait et on aurait dû prendre davantage conscience qu'on allait avoir du mal à empêcher l'arrivée des machines au Chefren. Le passage en force, c'est la collaboration rapprochée de RTE et du préfet Adolphe Colera, qui n'hésite pas à dépasser les limites de la légalité. Là, la méthode, Adolphe. Ainsi, l'arrêté municipal du Chefren, le seul arrêté encore valide qui n'ait pas encore été annulé par un tribunal administratif, est violé par le commencement des chantiers le 5 juin 2012. Concernant ce qui s'est passé au Chefren début juin, en fait, nous, en tant que locaux, on s'est plus appuyé sur les gens venus d'ailleurs nous aider, notamment de l'Assemblée, plutôt, et on a, c'était bien ça, mais on a oublié d'aller rechercher les locaux pour venir nous soutenir, et c'est vraiment une erreur que l'on a faite. Il aurait fallu qu'on s'appuie aussi sur la population locale par la suite. Cette population locale qui nous avait soutenus au bois au départ, on n'a pas été suffisamment les rechercher. Deux éléments nous ont mis en échec ce jour-là. La croyance du maire en son arrêté municipal, dont le préfet n'avait rien à secouer. Et il y a eu aussi un manque de travail de notre part pour impliquer les habitants au blocage des chantiers. Et le 6 juin, donc, je me suis présenté sur la voie publique de la commune avec mon écharpe et mon arrêté pour le faire appliquer et demander de le faire appliquer. J'avais mon premier adjoint à côté de moi et puis des militants, des habitants, enfin. Et en réponse, on m'a promis une arrestation qui a eu lieu 2 heures après, Tant qu'ils nous ont mis à garde à vue, là, c'était, on était assis le cul dans, sur le talus, on n'entravait pas la circulation, on était en face du chantier qui est en train, on était en train de protester, mais le cul sur le talus, on n'était pas sur la chaussée. Monsieur, vous quittez la zone. Interpellation. Allez, monsieur le maire. J'ai pas compris pourquoi ils nous mettaient en garde à vue là. Honnêtement, vu les, comme on dit, les forces de police, etc., qui sont déployées pour absolument faire passer cette ligne, on se dit que bon, bah, c'est un passage en force. Ils veulent qu'elle soit finie le plus vite possible, parce que je pense qu'ils savent très bien que plus ça traînera, plus ça sera dur. Ben maintenant, on sait qu'ils avaient à l'époque un calendrier super serré à tenir sur les 28 km les plus au nord de la ligne, et on ne savait pas à l'époque. Et ça aurait changé plein de choses dans nos choix et dans l'intensité de la lutte qu'on aurait menée pendant l'été. En gros, on n'avait pas assez de potes chez les gendarmes ou on n'avait pas passé assez de temps en garde à vue. Après une arrestation ubuesque et sans réel motif, s'ajoutera une série déconcertante d'actes d'intimidation de la part du préfet de la Manche, Adolphe Colera, sur Jean-Claude et son conseil municipal. Ces derniers décident alors de boycotter l'organisation des élections législatives du 10 juin 2012. Le préfet tente de réquisitionner les élus du Chefren. S'ensuit une démission quasi unanime du conseil municipal. Oui, j'ai même tenu le bureau de vote. Du Chefren, hein. Oui, puisque le maire était parti, on a tenu le bureau. Au moment où il a démissionné. Voilà. On était là pour les élections. Voilà. Durant plusieurs mois, le village sera administré par la préfecture. De nouvelles élections, comprenant la présence d'une liste composée de militants anti-THT notoires, aura lieu en septembre. L'idée de constituer une liste électorale était la suivante. Élaborer un programme avec des vœux proposant diverses formes pour stopper la construction de la ligne THT. Et si certains ou certaines étaient élus, conseillers, voire maires, cela pourrait prolonger le travail de l'ancien maire Jean-Claude Bossard et rendre encore plus légitimes les actions contre l'implantation de la ligne. Cette liste perdra de peu. On constate, circonspect, que les murs de la forteresse se lézardent. Quand nous serons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiale. À partir du 6 juin, la stratégie du préfet Colera se fait plus lisible. S'en est suivie une deuxième vague répressive, 15 jours plus tard, pour affaiblir l'énergie et la stratégie du camp de Montabo, l'expulsion illégale du château d'eau occupé. Les forces de l'ordre sont donc intervenues aujourd'hui à 5h du matin au Chefren. Ils ont délogé deux militants anti-THT qui occupaient l'ancien château d'eau avec l'accord de la mairie, avant un week-end dit de résistance au projet de ligne à très haute tension. Stéphanie Vinot et Joël Amar. Le château d'eau est désormais interdit à toute personne, même de la commune, propriétaire des lieux, même de l'association Percy sous tension, locataire. Un huissier est venu constater l'occupation des lieux par les gendarmes. Jean-Claude Bossard, maire démissionnaire du Chefren, est excédé une nouvelle fois par les méthodes de l'État et du préfet. Aucun préfet ne peut faire ça. Dans les années 40, c'était possible. Je suis ni préfet, ni ministre. Dans les années 40, c'était possible. C'est plus possible aujourd'hui, même pour la THT. Pendant ce temps, l'opposition à l'abattage du bois reste mobilisée. La mobilisation était est restée très effective quand même pendant tous ces mois-là. Et je pense que la tension, la présence policière renforçait ce besoin de lutter, d'être présent, d'être mobilisé. Et l'idée du camp, elle est venue comment en fait ? L'idée du camp, elle est venue assez tôt en fait. L'idée du camp, elle est venue dans une AG qui se passait à la mairie au mois de mars. Durant les trois mois suivants, la résistance est tenace et tient bon, mais juin a été quand même un mois qui a été un peu compliqué en termes de présence, et notamment sur l'occupation et du château d'eau et du bois. Et c'est vrai que c'est notable, c'est que là, il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde parce qu'il y avait aussi des gens qui pensaient déjà à l'organisation du camp, et donc ça pouvait se passer de manière décentralisée ailleurs que chez Fresnes. Et qu'il y avait aussi eu une opposition farouche en Mayenne à ce moment-là. Et du coup aussi qui avait un petit peu défocalisé ce qui se passait. Les forces, en tout cas en présence, étaient délocalisées pour aller soutenir cette famille-là, la famille Amou. C'était un moment aussi d'essoufflement, en fait, le camp. En fait, il y avait beaucoup moins de monde à vivre régulièrement sur place. Et que, mine de rien, quand il y avait du monde à vivre sur place, la manière dont ça s'organise forcément est un peu plus riche, parce qu'il y a plus de, un peu plus intelligent à 20, 30 que à 5. Quoi. Enfin, il y a moins de risques de louper quelques éléments clés de ce qu'on peut s'autoriser à faire ou pas. Ouais, on sentait un essoufflement. Là, si on réunit un peu des gens, il va y avoir des rencontres sur le territoire, on captait un peu le terrain, en tout cas dans le coin du Chefren et Montabo. Donc en repartant chez eux, on dit voilà, si à un moment donné ça bouge sur le bois, on pouvait espérer que de l'extérieur il y ait du soutien à la solidarité, comme il peut y avoir avec d'autres luttes où il y a des comités de soutien qui se créent, etc., et que ça parte d'ailleurs. 24 juin 2012, une manifestation est partie vers le château d'eau, lieu de rencontre et de résistance, expulsé comme bien d'autres lieux le mercredi 20 juin. Un autre cortège est allé en direction des pylônes. allait un peu la fleur au fusil, quoi. C'est complètement possible d'imaginer un moment où on imagine être 300 ou 400 et aller s'attaquer à un pylône en organisant une stratégie collective. Eh ben, on disait que c'était possible. Je crois pas qu'il y ait un seul moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'avant, soit dit, ce sera pas possible. Et même encore, quand les personnes ont commencé un petit peu à dire, c'est peut-être un peu compliqué. Ils sont quand même vraiment nombreux. En plus, voilà, c'était compliqué d'accéder au camp. Ils bloquaient déjà aussi les personnes pour arriver vers le camp. Il y avait quand même plutôt l'impression que le risque, c'était de se faire arrêter en essayant de sortir ou de se retrouver bloqué autour du camp. Et je pense que personne n'imaginait qu'il puisse y avoir de telle action répressive et avec clairement ce qui nous apparaît comme une intention de blesser des gens. Là, comment ça va faire? Et même là-haut, hein, quand il y a eu la manif, là. Putain, mais c'était impressionnant, tous les camions. Mais il y avait partout. Ce qu'il y avait, non, mais c'était un truc de fou, hein. Dingue, hein. Ah, c'était dingue. Oui, il y en avait partout, hein. Même au bout de chez nous, là, ouais. Au long de la route, là. Ah ouais, dès 8h au matin, j'avais été voir en tracteur, il y avait une camionnée. Ils étaient tous là dans un fourgon, mais t'es une volée, hein. Il y avait deux fourgons. Deux fourgons, ouais, je sais pas comment ils coulent là-dedans. Putain, ça doit sentir le faux. Mais oui, qu'est-ce qu'il disait, justement? Damien, il dit, ben, c'est exprès qu'il les enferme pour que la sœur leur monte et... Ouais. Quand il est lâche, ils sont comme des fous. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu offert en pâture naïvement pendant le camp de Montabo. Parce que voilà, on s'était mis en tête que c'était jouable de faire une action en plein jour à quelques centaines de personnes à ce moment-là. Alors qu'on savait bien qu'il y aurait une présence policière délirante, quasiment équivalente à celle de Valogne. C'est d'ailleurs ce qui a eu lieu. Et c'est vrai qu'on s'est quand même un petit peu naïvement entêté à se dire, allez, on y va quand même, on sait très bien que c'est quasiment inimaginable d'aller au bout, mais on y va quand même, quoi. Et en plus, on avait pris la décision de faire deux cortèges différents. Donc en plus, on s'est fragilisé, on s'est fait encore plus en pâture, les gens qui voulaient des actions un peu plus dures, prêts à plus de... voilà. D'illégalisme, etc., le cortège plus tranquille. Bah, on a rejoué cette double stratégie de d'apparition, mais d'action à la lumière, sans masque, tout ça, et d'action plus radicale. Mais là, on l'a fait dans le même moment. Avant, ça se faisait séparément dans le temps, enfin... Et c'est les mêmes personnes, sans doute, qui y participaient. Là, d'un seul coup, on a scindé en deux, comme si, à la fois, il y avait deux tendances dans les entités achetées, ceux qui c'était plutôt pour les actions symboliques et ceux qui étaient pour des actions de vraie nuisance. Et du coup, en plus, on s'affaiblit numériquement, quoi. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça a été la période de basculement, en fait, dans la manière dont on pouvait continuer à mener des actions ou pas. C'est de ce camp de Montabo et les semaines qui ont précédé. Et qu'en effet, je pense que le camp de Montabo, il a donné lieu à beaucoup de discussions, enfin beaucoup et pas assez, en fait, de discussions sur la stratégie qu'il convenait de mener. Et c'est vrai qu'il y avait du monde à ce moment-là à plutôt dire, voilà, c'est plus le moment des actions publiques. Enfin, on est trop attendu et ils savent trop y répondre. Et que du coup, il valait mieux... continuer à avoir une visibilité, pourquoi pas sous forme de camp, mais plutôt du coup de manière un peu ludique, et continuer les actions plus stratégiquement de nuit, ou en tout cas de manière à minimiser la possibilité de la répression, quoi. Et que c'est vrai que n'ayant pas mené au bout cette discussion, enfin, on est un peu allé... peut aller au casse-pipe pendant le camp de Montabo, quoi. Et puis ça demandait une organisation, ça demandait plus de monde pour pouvoir organiser ça bien, à la fois suffisamment de monde pour agir concrètement sur le chantier la nuit, et suffisamment de monde pour organiser, accueillir, rencontrer, faire tout ce travail-là. Moi, juste avant, j'avais un truc à dire. C'est que j'ai l'impression aussi à ce moment-là qu'on était encore dans la victoire du camp de Valogne et qu'on n'a pas tiré beaucoup de leçons en fait entre le camp de Valogne et le camp de Montabeau. On n'a pas tiré tant de leçons que ça sur comment se déroulent les actions, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. On a voulu coller un peu Valogne à Montabeau et que eux, par contre, en face, ils ont bien avancé justement et ils n'ont pas refait les mêmes erreurs en fait. C'est-à-dire qu'à Valogne, ils nous ont laissé sortir du camp, s'approcher des rails, et après c'était une journée un peu compliquée pour eux quand même. Qu'à Montabeau, ils étaient juste, ils nous ont pas laissé sortir très longtemps du camp, ils nous ont circonscrit très vite. Mais c'est aussi qu'à Valogne, on avait le terrain nous était favorable entre guillemets, au sens où il était vaste quoi. En fait, le terrain de jeu entre guillemets. Était très, dès l'instant où il nous laisse sortir du camp, en fait, il maîtrise beaucoup moins la situation. À Montabeau, ils ont beau nous laisser sortir du camp, il n'y a pas 36 endroits où on peut aller se mettre dans l'idée de nuire à un pylône. Nuire à une voie de chemin de fer, elle est très longue, la voie de chemin de fer. Un pylône, c'est un pylône, il ne fait pas 15 km de long, quoi. Donc on était un peu contraints à aller à un endroit précis. Et du coup, on pouvait pas être plus attendu que ça, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'on a, on a manqué de tirer les enseignements sur ce qui avait été impossible à Valogne et ce qui ne pouvait pas l'être à Montabeau, quoi. He says, c'est ce qu'on disait quand on en parlait hier avec quand on en parlait avec un copain, c'était l'espèce d'asymétrie totale qu'il y avait entre une atmosphère qui était lourde sur le camp et notamment en termes de préparatifs, et plus on approchait de l'action et plus c'était pesant, et ça tout le monde le dit, et mais malgré tout il y avait quand même on était un peu nombreux quand même. On était je sais pas combien ce jour-là, 500 probablement. Donc ça présente quand même des gens, donc il y a quand même là, il y a quand même pas mal de gens qui sont là, qui sont ensemble et qui sont opposés à cette ligne-là. Pas tout à fait de la même manière, effectivement, et qu'on voit bien qu'assez rapidement, plus on approchait et dans les discussions, plus ça, dans le processus, plus ça avançait dans les discussions, etc., ça revenait, et plus il y avait quand même, on sentait que la pression qui montait, beaucoup de doutes, c'est évident, chez à peu près tout le monde, mais on se dit, bon, voilà, c'est un truc qui a été préparé depuis longtemps, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive, qui dit, ah non, mais là, les groupes de diversion, on en parlait tout à l'heure, les groupes de diversion, ah ben non, on n'est pas très nombreux, donc du coup, les groupes de diversion, ils vont juste être en haut du chemin, etc. En fait, les choses initiales qui avaient été un peu pensées, à un moment donné, elles se sont réduites dans des histoires d'affolement, enfin, qui a précipité l'action pourrie, quoi, l'action qui effectivement a échoué avec la répression physique. Et je pense que c'est les deux aspects sur le camp qui n'ont pas réussi à marcher ensemble. Et il y en a une qui a pris beaucoup trop d'espace, effectivement, c'est la préparation de l'action, quoi, je pense, par rapport au temps de rencontre. Le succès dans l'organisation d'un camp, c'est basé aussi des fois au-delà de l'action directe qui réussit ou pas, quoi. La journée du samedi, c'était très intéressant. Il y avait une manif qui est descendue gentiment Mais si tu veux, qui s'est reculée immédiatement dès que les premiers gars sont arrivés sans sommation. Oui, je suis d'accord, j'étais dedans. D'accord. J'étais dedans. Mais Et par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'on nous avait tiré dessus sans sommation, alors que celle où on était, il s'était vraiment rien passé, hein, pour le coup. Voilà. Mais il n'y aurait eu que ça, c'était à notre avantage. C'est ça le problème. Il n'y aurait que ça. Quand même eu des discussions que j'ai trouvées assez intéressantes, qui se sont passées la veille. C'était quand même relativement riche. Parce que là, on voyait plein de gens, il y avait des gens qui étaient de la lutte contre la mat, il y a eu des croisements comme ça de personnes, ça a été beaucoup trop bref, je pense. Et notamment, beaucoup trop bref par rapport au fait que, finalement, une action directe, on était chaud patate, mais on n'avait pas vraiment compris que ça se jouait pas uniquement là. Et que la préparation sur le camp de l'action directe, avec toutes les forces et les tendances présentes, a pris beaucoup de temps et a mis un coup d'arrêt au temps de rencontres et au tissage de liens qui faisaient partie des objectifs du camp. De toute façon, moi je suis allé au chef Rennes ici, j'étais la veille. Hein, j'y suis allé. Au moins avoir des différences, au moins sur la manière. Je me suis dit, on voit bien que c'est pas du tout quasi pire. C'est vrai. Inquiétant. Et c'est vrai. Aussi. C'est quand même inquiétant. Oui, parce que nous, on disait, c'est sûr que nous, on s'était dit, si c'est Sarkozy qui passe, on est mort. Et si c'est la gauche, on a peut-être des chances. Bon. Quand on a vu comment ça s'est passé à Montabo, je vous jure qu'on a été choqués. Parce que je lui ai dit, on pensait qu'avec un gouvernement de gauche, au moins dans la manière. Vu qu'on se faisait pas trop d'illusions sur le fond, quand même, hein, voilà. Mais au moins dans la manière, on pouvait penser que ça aurait été quand même un peu. Et vu comment ça s'est passé, le préfet, il avait forcément des ordres du ministère de l'Intérieur. Hein, parce qu'il n'a pas pris ça sous son chapeau. Hein. Non. Tout à fait. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que, en effet, ça marquait. Un basculement, le camp de Montabo, à la fois en matière de radicalisation de la répression, mais aussi pour nous en matière de baisse d'intensité de l'implication de beaucoup de gens dans cette lutte. Enfin, il y a une espèce de... Après, c'est vrai que ça a été dur de continuer à avoir la niaque, mais aussi parce que il y a eu une scission un peu entre les gens du coin, notamment le maire du chef Rennes et le reste de l'Assemblée. Qui tenait plus cette nécessité de continuer à poursuivre les actions de dégradation, de nuisance, d'empêcher physiquement la poursuite du chantier. Bon, en effet, on peut dire que s'il n'y avait pas eu cette répression-là, je pense que le maire et quelques autres personnes ont été moins légitimes à trouver nos comportements inadéquats et scandaleux ou non stratégiques. Donc en effet, on peut dire qu'au final, c'est parce qu'il y a eu cette répression que les plus timides ont eu légitimité à dire stop avec l'alliance avec les gens un peu plus chaud bouillant. Mais... Répression et puis traitement médiatique. Et c'est pour ça que j'ai pas compris à Montabo, j'ai vraiment pas compris. J'étais pas dans le staff de préparation, etc. Mais j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Pour moi, c'était aller au casse-pied direct. Qu'est-ce qu'a été cette erreur à Montabo? Ben justement, c'est de la volonté d'aller au combat. Hein, cette volonté d'aller au combat. Mais alors, les manifs le lendemain, non, c'était pour moi, c'était... Non, c'était une erreur grossière, enfin, le point. Mais il y a quelque chose, pour moi, ils ont fait le jeu, littéralement, de RTE, parce que ça a été une décrédibilisation de tout ce qui avait pu se faire avant, par des moyens, par des moyens plus... Enfin, que pacifique, hein. Non, mais d'accord. Mais par des moyens, oui, plus intelligents. Voilà. Hein. Et moi, j'ai ma première pensée, c'est aux manifestants qui ont été là-dedans sans forcément avoir conscience où ils allaient vraiment et qui s'en sont pris plein la gueule. Et là-dedans, je pense qu'il y a des responsables. Ça aurait été intéressant de pousser plus à fond pour savoir où étaient vraiment, parce que ça, pour moi, ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Et ce qu'il faut vraiment éviter, si on parle de choses à éviter, dans un tel combat, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que alors là, voilà, ça c'est mon point de vue. Je voulais rester solidaire, mais j'y allais à reculons. Hein. Ça, je sentais bien qu'il se préparait quelque chose qu'on ne maîtrisait pas du tout et qui n'était pas du tout dans ce que nous, on souhaitait. Et Donc à ce moment-là, ce truc-là, je pense que qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, à partir du moment où nous-mêmes on est touchés en tant que personnes qui sont engagées aussi, enfin les personnes qui sont engagées aussi dans les processus d'organisation, de mobilisation. Le problème, c'est que si certaines personnes sont touchées, mais quand les personnes qui sont engagées sur place sont particulièrement touchées elles-mêmes, en fait, c'est très difficile pour elles aussi de se remobiliser, de remobiliser les autres derrière. Et je pense que c'est aussi un truc pas négligeable, où on peut pas trop s'autoflageller sur, par rapport aux blessures qu'on a subies nous-mêmes, ou de ce que ça... Enfin, je sais que ça nous a aussi ancré dans tous nos engagements futurs, dans l'idée qu'on voulait plus jamais envoyer au charbon nos amis, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est quand on est organisateur ou quand on est aussi pris dans ce genre de dynamique-là, on se sent responsable pour tous les gens qu'on a entraînés derrière nous. Et je pense qu'on se sentait responsable pour les gens qu'on a entraînés en partie derrière nous aussi. Et donc à partir de là, ça rend difficile aussi... ça rend difficile après de continuer à s'engager immédiatement derrière. Les suites du camp de Montabo, c'est la population locale s'est sentie un petit peu... dépossédés de leur lutte, mais c'est vrai que les conséquences ont été vraiment désastreuses au niveau local. Il y a eu même la décision d'évacuer le bois, de tout arrêter. Les gens ont eu vraiment très peur et ils se sont sentis un petit peu manipulés par l'organisation du camp. Même s'ils en faisaient partie, ils ont été un peu dépassés, ils ne se rendaient pas compte de tout ce... toutes les conséquences et le fait aussi que les avertissements qui avaient été donnés d'une répression assez cinglante qui se préparait, notamment la réquisition de tous les pompiers pour ce week-end-là, ils devaient annuler leurs vacances et tout, quand on en a parlé, on ne nous a pas pris forcément au sérieux. C'est vrai que nous, on sentait que ça allait se passer très mal, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Des endroits où les gens subissent une attaque assez violente et n'y sont pas habitués, bah c'est comme le 24 février à Nantes. Ça peut démobiliser toute une région, tout un tas de gens, pendant des mois et des mois, en fait. Et ça, c'est non négligeable. Et après, la reconstruction, elle est très lente, mais elle est très lente et elle doit être menée par des gens qui ne sont pas eux-mêmes traumatisés. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, je pense. Je pense que c'est ce qui a été compliqué là-bas, c'est que tout le monde a été traumatisé par ce truc-là, globalement, en fait. Et du coup, reconstruire quelque chose de positif, de constructif, etc. derrière, bah, ça se reconfigure autrement, et en tout cas, clairement, l'intensité et la force de la lutte et sa détermination, elle retombe, en fait. Ce qui a fait que l'après-camp, il a été vraiment super problématique en termes de comment est-ce qu'on arrive à encaisser ça. Continuer à maintenir une combativité, une détermination, et l'air de rien. Après, la période aidant aussi, juste après, c'était mois de juillet, mois d'août. Du coup, ça s'est pas mal étiolé. On pourrait un peu se demander comment on aurait pu faire en sorte que ce gros coup de massue, il nous atteigne pas tant que ça, et pouvoir quand même continuer à donner envie à des gens de venir, parce que les travaux continuaient en réalité pendant tout l'été, les pylônes continuaient à se monter dans les champs des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont continué à bloquer les travaux un peu comme ils ont pu, mais il n'y avait plus personne, en fait. Le coup de massue, il a été tellement fort que... Et on se demande un peu s'il y avait quelque chose à jouer à cette période-là, en termes de, je sais pas, de communication, ou juste d'arriver à dire à un moment donné que... En fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on était incapable de dire ça avait été hyper dur, mais qu'on était encore là. Je sais même pas si on a réussi à le dire. Voilà comment l'opinion publique, parce que c'est bien ça qui aurait fait la différence, là. C'est bien ça qui aurait fait la différence, c'est la bataille de l'opinion publique. Si à un moment, ça se voit trop que la violence est utilisée pour mater une révolte juste, à un moment, l'opinion publique, elle fait basculer. Elle fait que le gouvernement, il dit « Ok, on fait doucement. Notre-Dame-des-Landes, ça se voit, là, du coup. » L'opinion publique, elle prend de la place. elle prend tellement de place que c'est difficile à gérer, quoi. Et là, c'est la bataille de l'opinion publique qui a pas abouti, quoi. Après, c'est ça, c'est est-ce que... il faut y croire qu'on va gagner à la fin, quoi. Il faut y croire au départ. Et après, peut-être que c'est peut-être ce sentiment-là qui n'a pas grandi suffisamment. Si, regarde, enfin, je reparle de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est un cas d'école là, en ce moment, c'est actuel. Ça dit, les gens qui se mobilisent ont déjà des vues sur la victoire. Ils y croient. Il y a une partie des gens qui y croient et qui alimentent cette idée-là. Tu es dans ta course, tu vas toujours vers la source de la liberté. Tu poursuis ton rêve pour qu'un jour nouveau se lève sur le monde entier. Quelques retours sur les différents acteurs de la lutte et la variété des formes de mobilisation au Chefrenne. Alors après, est venu d'autres interlocuteurs, d'autres participants, etc. Et en termes de stratégie, on a été d'une nullité. Il faut dire que c'était énorme aussi. Même entre Jean-Claude et moi, on n'a pas toujours été d'accord, si tu aimes. Voilà. Mais c'est intéressant aussi d'arriver à... Je sais que par exemple, mais c'est pas dans la mentalité ici, donc ça m'énerve un peu. Moi, j'aurais ouvert la maison, tu vois, il y a une extension à côté, là où il y a trois chambres. Quand il faisait froid, on aurait pu accueillir des gens, laisser une clé, il y avait une extension, c'est pas un souci, la maison est grande. Et moi, j'aurais ouvert, toi. Comme faisait Géraldine, comme faisait... Ouais. Mais c'est pas dans la culture ici. Vu les conditions météo. Ah oui, c'était dur. En plus, moi, les après-ski, je les ai portés tout le temps, quoi. Ah oui, plein de boue. C'était dur. Je crois qu'il y a eu un enflammement de situation. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai dit, quand on était dans le bois, j'étais à l'aise. Et par contre, dans la grange, suivant les personnes qui étaient, je l'étais un peu moins. Mmh. Des fois, je venais à la grange. Oh, ben non, j'ose pas rentrer. Je repartais. Ouais, Tom est arrivé, bon, je venais, et puis. Les gens étaient dans la discussion, t'arrives pas comme ça. Bon, j'ai un contact facile, mais t'arrives dans les discussions qui n'est pas la tienne. Et puis moi, je voulais pas être vampirisante non plus. Bon, pour moi, c'était la grange de tout le monde. On a mis la grange à disposition, c'est pas la grange de Jean-Claude, quoi. Mm. Hein? Mais oui, j'ai vécu ça. D'arriver, j'avais sympathisé. Et puis ça, c'est normal, t'as des affinités avec plus certains que d'autres. Voilà, ça c'est... Et puis, on connaissait pas tout le monde, et puis vous voyez que des gens, il y a des groupes, il y avait des groupuscules. Oui, c'est des groupes affinitaires. Mais oui, voilà. Oui. Et puis, bon, même dans les plus jeunes, et puis qu'ils ont envie de se retrouver, et puis toi, t'avais rien à faire ici, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Quand ces mêmes gens étaient dans le bois, je sais pas pourquoi, c'était différent. Tu arrives et puis que... Bon, tu connais pas les gens et puis... Et c'est vrai que ça, avec les jeunes du Chefrenne, c'était on voyait bien que c'était deux mondes différents. Même les gens qui étaient militants ici, non, je pouvais pas les emmener au Chefrenne, quoi. C'était pas possible. Non, mais je le dis avec les jeunes, je le dis sans aucune acrimonie, moi, je le dis sans... on partageait pas la même stratégie, mais en termes de... Parce qu'on a eu ces réactions-là aussi, ici, en parlant des gamins du Chefrenne, ou ailleurs, hein, d'ailleurs, il n'y a pas qu'ici qu'on a parlé de ça, c'est des hors-sol, les mecs, en clair, ils viennent commencer la révolution ici, ils la finissent un peu loin... J'en ai rien à foutre, moi. Je l'ai fait, ça. Alors, je ne veux quand même pas leur projet. Et c'est pour ça. Enfin, là, je vais revenir peut-être sur le bois. Enfin, vraiment, moi, enfin, l'ambition, mais je croyais qu'elle était partagée au départ, mais après, on s'est peut-être mal compris. Mais l'ambition du bois, pour moi, c'était de créer une dynamique d'opposition et que les gens puissent venir s'informer. Et bon, ça a un peu marché et tout ça, mais peut-être pas autant que ça aurait pu. Dans l'histoire de l'occupation du bois, notamment, il y a eu une question qui s'est posée à un moment donné, qui a cristallisé beaucoup de tensions entre l'ambition de faire de ce lieu un lieu de rencontre, un lieu d'information, de sensibilisation, un lieu où les gens se sentent bien, et aussi des gens qui étaient préoccupés par ça, mais aussi par la question de qu'est-ce qu'on fait s'il y a une intervention des gendarmes dans le bois. Et ces deux questions-là, elles n'ont peut-être pas suffisamment été posées clairement, parce qu'au bout d'un moment, la manière de trancher cette question a été juste tranchée par le propriétaire des lieux, qui a dit « moi, je ne veux pas de dégâts, je ne veux pas de blessés, je veux pas que les gens s'opposent physiquement, je pourrais pas assumer ça ». Et du coup, le fait de défendre physiquement ce bois... Cette vision-là que certains avaient n'a pas pu vraiment exister. Et le fait de ne pas avoir été suffisamment clair là-dessus, ça a créé énormément de tensions entre les gens. Ça a tourné en autre boudin, parce qu'au final, le bois a été délaissé et a été expulsé des mois plus tard, quand il n'y avait plus personne dedans, en fait. Et c'est pour ça que quand le bois... Ça s'est terminé, à côté aussi, la grange, mais moi j'ai pas bien vécu ça. Donc voilà. Parlons un peu du rôle des médias durant la lutte. Je me souviens qu'en tout cas dans un premier temps de la lutte, les journaux locaux, parce qu'on avait que les journaux locaux, que ce soit La Manche Libre, que ce soit Ouest France et tout ça, voyaient d'un bon œil la lutte. Ça s'est renversé au moment du bois. Moi je me souviens d'un journaliste qui est venu me voir, qui s'était fait fouler ici, il est venu me voir à la mairie, il me dit « bon, terminé ». Bon, avec FR3, il y a eu aussi des soucis, enfin, etc. Mais bon. Mais c'est dommage que ça, il y a eu des débats là-dessus, mais en fait, je crois que l'idée était arrêtée, c'était pas nos journalistes, et puis terminé. Mais je pense que ça a plutôt desservi, et on l'a vu à Montabo, ça nous a plutôt desservi que servi. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur Valogne, où à Valogne, il y avait eu justement une présence médiatique avant, enfin, ou au moment de l'action, qui avait été quand même assez visible. Ouais. Ça, c'était hyper avantageux pour la lutte. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un peu de couvercle mis là-dessus. Mais c'est sûr, Valogne, il y avait 30 caméras, des équipes dans tous les sens. Montabo, il n'y avait pas une seule caméra. Je crois qu'on est parti en cortège. Enfin, voilà. Ça n'a rien à voir, en fait. Oui, il y avait France 3 qui était là, mais qui se sont fait largement bouler par des gens, quoi. Mais... Bon, après, on n'avait pas de nous non plus, contrairement à Valogne, chercher, était très actif dans la recherche de la présence médiatique, quoi. Enfin, il y avait une volonté de ne pas rejouer, justement, à Valogne non plus, quoi. Et autre, bon, je sais qu'on n'a pas forcément un même avis là-dessus, les médias, ils sont ce qu'ils sont. Mais c'est un tort de les rejeter. Pour moi, il ne faut pas chercher à les rejeter. Il faut travailler avec eux. Il faut travailler avec eux. Des fois, on n'est pas content des résultats, certes. Mais il ne faut pas les rejeter non plus. Puisque par rapport, c'est un combat qu'on veut développer. Et qu'on le veuille ou non. Et ça, je dirais, le média principal... Nous, on n'a pas la télé, mais je sais que le média principal, c'est la télé. Télé, radio, journal. Quoi. Ouais, oui, c'est trois. Ça. Oui, les trois. Je dirais la télé en premier. J'y peux rien, c'est comme ça. Je le regrette. Je trouve que c'est un très mauvais outil d'information, la télé. Parce que s'ils cherchent le sensationnel, ils vont pas dans le fond des choses. Je suis d'accord, mais c'est pas la question. C'est un fait, c'est là, c'est notre société. Et moi, j'ai pas le... Ouais. J'ai pas le pouvoir de changer ça comme ça. On n'a pas le pouvoir. Par contre, on peut essayer, entre guillemets, de s'en servir le plus intelligemment possible. Et pour moi, c'est pas en les rejetant. Là, on les a contre nous, à définitivement. À l'époque, je préférais FR3 que Ouest France. Ouest France, on les sentait quand même, il y avait quelque chose derrière. Je pense qu'ils sont largement financés par moi. que FR3, ils paraissaient plus indépendants. Bah, c'était le sentiment que ça me donnait par rapport aux articles que je disais et par rapport à ce que j'ai pu voir sur Internet, puisque je regardais quand même 2-3 bricoles. Je préférais, moi. Il faut quand même réaliser la place, la fonction qu'a l'industrie de l'information dans le système actuel. Vous servez à légitimer le pouvoir, à avaliser sa manière de voir les choses, sa manière de concevoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il n'y a plus de journalisme critique, ou très peu en France. Enfin, il y a une vraie diversité dans le mouvement, et pour moi, c'est vrai qu'il y a des tendances qui sont différentes. Il y a une grande diversité, et ils essaient d'exploiter ça pour nous diviser. C'est-à-dire, ils vont dire, il y a d'un côté les ultras et l'opposant lambda. Grosso modo, c'est ça le message clair de la presse. Et comme toujours, l'industrie du divertissement qui devrait être une industrie de l'information, mais qui est une industrie du divertissement en fait, nous stigmatise, nous pointe du doigt. C'est-à-dire que souvent, on nous présente comme des antidémocrates, des gens ignobles. On arrive sur la face du chef Rennes, etc. Tu vas voir les jeunes là-bas, t'essaies de leur expliquer que d'abord les journalistes, faut arrêter de leur taper sur la gueule parce que ça va pas faire. Ah bah ouais, non, j'ai des souvenirs de ce premier. Tu te dis, mais putain, c'est pas possible ça, bordel. Tu veux populariser une lutte et tu veux méditer, tu fous sous la gueule les journalistes. Tu as un camarade, il va falloir que tu m'expliques. Si, on va passer par intranet, internet, etc. Mais non, je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Moi, je fais partie de ces gens qui ont misé beaucoup sur la question journalistique, hein, sur la question des médias, etc. Je fais partie de ceux, et je le revendique. Hein. Je pensais qu'on allait arriver à peser pour faire en sorte que le débat devienne public, et on ne le fera pas, et je le pense toujours, mais on ne le fera pas sans les journalistes. Pour c'est vrai qu'on a échoué, quoi. Les journalistes n'ont pas pris la thématique, et j'ai fait bien gaffe, moi, à titre personnel, j'en ai chuté quelques-uns, hein. Je peux te dire que j'ai mis la forme, j'ai gueulé contre certains qui mettaient certaines autres formes et sur lesquelles j'étais pas d'accord. Bon, in fine, faut constater que pas de mal, quoi. Hein. On n'a rien, quoi. Et moi, là-dessus, je suis pas... Je vais être honnête, je suis pas optimiste, quoi. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-temps. On a tenté, on a bien bataillé, tout n'a pas réussi, mais on n'en sort pas affaibli. On combat, après, avec Jean-Claude, je n'étais pas toujours d'accord, hein, puisqu'on a un litige, parce que moi je partais du principe que où RTE se trouvait dans le secteur, j'allais. Donc quand ça a été pour les Larsonneurs, eh ben, j'y suis allée. Quand ça a été Martine Leroy, j'y suis allée. Moi j'avais des gens qui combattait RTE, donc c'était ça ma priorité. Oui, vous étiez dans la même lutte, donc voilà. Vous étiez des résistants pour la même contrainte. Voilà. Sauf qu'en effet, c'est encore des grandes discussions hein, que j'ai encore, qu'on a encore. Jean-Claude dit, oui, mais c'est des gens qui sont pour la ligne, qui veulent de l'argent, ils sont plusieurs à penser ça. Hein. Donc, ils n'ont pas compris pourquoi des gens comme moi, on est allés ponctuellement. Moi, je n'y suis pas allée, c'est quand je savais qu'RTE arrivait. Mm-hmm. Hein, donc, pour les soutenir, déjà. Oui, tout à fait. RTE, c'est vrai que j'ai apprécié d'être à vos côtés. Je faisais peut-être de façon maladroite ou autre, mais être là quand il y avait besoin, quoi. Et puis nous aussi on a peut-être fait des choses qui ont pas favorisé le fait qu'on gagne, je sais pas, mais disons que quelquefois même si on avait le même adversaire, on se divisait, donc ça c'est pas bon, ça profite toujours à la... Mais quelquefois, même sans RTE, on arrivait même à se diviser. Oui. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir pour éviter ce... Mais après, je dis qu'on peut condamner personne, parce que, enfin, en tout cas, dans les militants et tout ça, parce qu'on fait ce qu'on peut, on fait des erreurs, tout le monde en fait, et donc voilà. Ben, c'est le lien qui n'a pas été fait, qui n'a pas réussi à être fait. Ce qu'avaient réussi à faire les gars du Larzac. C'est-à-dire que c'était des barbus, c'était les gauchistes. C'était les gauchistes, hein, les mecs à la manœuvre au Larzac, c'était les barbus. Hein. Ouais. Moi je dis ça barbu dans le terme général du terme. C'est des gauchos, quoi. Et il y a eu ce lien entre cette population locale qui se défendait. Il y a plein de rencontres, plein d'échanges qui se sont faits. Et puis même si on n'a pas gagné cette fois-ci, ça nous encourage à lutter de nouveau. Et peut-être qu'un jour, on y arrivera. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, peut-être. L'autre. Parce que moi, je ne crois pas que le rapport de force-violence, on puisse gagner. Parce que... vu les moyens qu'ils ont, et puis après s'ils nous mettent un rafale dessus et tout. Donc en fait, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Au niveau juridique, on a fait le tour, on a eu 70 procès. On n'en a pas gagné un seul. On en a laissé beaucoup, oui. Non, mais sérieusement, quand tu fais le tour des procès, et j'ai fait partie de ceux qui avaient initialement choisi la stratégie juridique. On était parti dessus, moi j'en fais partie. Ouais. Mais là, on n'a pas été bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas su avoir une cohérence de stratégie. C'est-à-dire que c'est parti dans tous les sens. Mais on a un problème de cohérence sur l'ensemble en termes de stratégie. Quoi. Là, manifestement, on est tombé à plat, quoi. On n'a pas été bon. Et je vois pas trop bon, quoi. La mobilisation, on l'a faite, ça n'a pas marché. La question juridique, on l'a faite, ça n'a pas marché. Puis je vois mal aujourd'hui comment faire, quoi. On a obligation aujourd'hui moi double triple parce que j'étais président de la SOS, mais pour la conf s'était engagée dans cette histoire aussi. Et donc on est obligé de poser un bilan. On n'a pas le choix, on a une obligation de poser la question si on veut réellement mettre sur la table cette question de transport de l'énergie. Il va falloir, si c'est réellement ça le débat, et que les mômes aussi bien que les plus vieux et que les plus jeunes, enfin, s'intéressent vraiment à cette question-là, oui, on est obligé de poser un constat. On ne va pas dire on était beau, on était formidable, on était bon. Oui, on a été militants, on s'est battu, on a fait avec nos moyens. Oui, ça, d'accord. Et moi, la question passée me m'intéresse déjà plus, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est à partir du passé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on en tire comme et on fait quoi, quoi. J'ai pas l'habitude de... Ça sert à rien, autrement. Si on ne tire pas des échecs, des leçons, on rentre à la maison, quoi. C'est pas... Tout syndicaliste se doit de faire ce type de choses, quoi. C'est... On n'était pas nombreux, on n'avait pas énormément de moyens. Bon, j'essaie de défendre un peu. Sincèrement, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne parce qu'il n'y avait que des gens de pleine bonne volonté. Et que même les mômes, parce que je les appelle les mômes, hein, je suis un peu plus vieux qu'eux, donc. Est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'eux préconisaient, je vois au chef Rennes, etc. Ce qu'eux ont vécu, moi je l'ai fait. Et je vais le dire franchement, en deux fois pire, j'ai fait deux fois plus. Hein, j'en ai fait. Mais je le comprends. J'ai un profond respect pour eux parce que eux, ils croient encore en quelque chose. Alors qu'il y a beaucoup de gens autour, même des mecs de gauche, etc. Ça fait belle lurette, ils ne croient plus en grand-chose. J'étais pas d'accord avec la stratégie, mais au moins, eux, ils croyaient à quelque chose et ils font en adéquation avec eux ce qu'ils sont. Et j'ai un profond respect parce que eux, ils pensent encore quelque chose et ils espèrent quelque chose et ils se battent pour quelque chose. Je vois tellement de ventre mou, de cul tordu et de... etc. De gens bien pensants, des gens pleins de gauche. Et résultat des courses, on n'en voit rien à la sortie. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toutes les planètes, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître. C'est l'histoire de Noël. C'était l'épisode 3 de la série radiophonique « Ça grésille dans le poteau ». Qui est un objet radiophonique en 5 épisodes. Il retraçait les différentes formes d'opposition à la ligne THT Cotentin-Maine. Épisodes à suivre, hélico, lacrymo et tribunaux. Vous pouvez nous retrouver sur antithT.noblogs.org. Bah, de toute façon, tu es obligé de l'accepter, hein, même ouais. si tu as envie de, bah, que tout tombe. Mais... ouais. Moi, je rêve, oui, que ça saboté. Ça, c'est. J'en ouais. rêve. Ou alors, dans ce cas-là, pas de souci, tu te passes des médias, tu fais tout avec la banane sur la tête et ces deux pains de plastique, et puis tu discutes plus, quoi. Et pourquoi pas? Je le dis sincèrement, mais pourquoi pas, hein. Bien au contraire, d'ailleurs, bien au contraire, on pourrait se marrer un coup.